degré, jour de force. Ta face est grise, j'attendrai de la marquise pour en pâtir. Tout va très bien, faites-moi la bise. Ou embrasse-moi sur la bouche. Roule-moi une belle, vas-y touche. Ça sert mon cœur comme une émoue. Me décorche pas encore un coup. Ma vie comme ton envoyé est le facteur qui t'a volé. Aveuglé à tel point que mon poing sur la table en est resté un. Dieu, afin de chasser ces orbes autour de là, veux-tu que je m'endors près de toi. Je me traînerai jusqu'à tes pieds, à l'envers, à l'endroit en pierre. La gueule, bateau, au facteur à la tête de Christophe Willem et au tireur de Pignou. York, tout ce qui m'empêche de me rendre de toi tout. J'attends la marquise au détour pour qu'elle me dise, fais-moi l'amour.